T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planet Indie. Nous sommes le samedi 1er décembre. C'est l'épisode numéro 403 de cette émission. C'est la dernière, en tout cas la dernière de cette année 2018, hein, parce qu'en 2019, rassurez-vous, on sera toujours au rendez-vous avec vous comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 en direct pour vous proposer le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et puis nous sommes rediffusés aussi sur cette même fréquence de RGL le dimanche qui suit, donc ce sera demain, vous voyez, aux mêmes heures, c'est facile, 17h, 18h30. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau au programme de cette émission aujourd'hui ? Eh bien on va commencer avec un extrait de l'album live du groupe canadien, on pourrait même dire québécois, de rock progressif Mystery. On écoutera le morceau Through Different Eyes, on va pas l'écouter en entier parce qu'il fait plus de 10-12 minutes je pense. On écoutera des nouveautés comme Kate Campbell, Jennifer Maidman, The Circus in Flames, enfin plein de nouveautés, et puis en tout cas ce sera de toute façon de la musique que vous n'avez l'occasion d'entendre, j'allais dire nulle part, mais on va dire allez, presque nulle part ailleurs. On aura aussi un album Powerplay comme chaque mois, ça je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, et puis donc bah, je vous propose de commencer tout de suite avec le rock progressif de Mystery, le groupe de Michel Saint-Père, avec Through Different Eyes, et on enchaînera avec Parmi Dylan, It's Okay If You're Not Okay. Hey, this is Derek Thompson from Strive, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Get up, you get down. It seems a while since you've been around, but you don't believe the things that go down. You get lost, you get found. You try to understand your battleground, but you don't believe the things that come round. I know it's hard to see when you're always falling down, when no one understands. But it's okay if you're not okay. In a jam jar, in a cupboard.

place that you made so high above the mess that you prévenu, hein, parce que sinon vous auriez pu croire que la chanteuse des Cardigans, elle avait pris un sacré coup de froid, hein. La voix est un peu plus grave, un peu plus rauque. C'est celle de la chanteuse australienne Jo, je connais pas son nom de famille, mais elle s'appelle Jo, et elle est membre du groupe The Sign, qui reprenait donc cette chanson, ce tube du groupe suédois les Cardigans, Erase and Rewind. 17h25 minutes, et bien il est largement temps pour nous de partir à la découverte de notre album Powerplay pour cette émission Planet Indie numéro 403. Et ce Powerplay nous emmène aujourd'hui aux États-Unis, du côté de New York, avec l'album de Laura Mead, un album intitulé Remedium. Laura Mead est une des voix féminines, des chanteuses principales du groupe de rock progressif. Bon, on y revient, hein. C'est vrai que personnellement, moi j'aime beaucoup ce genre musical. Donc du groupe de rock progressif Ease, basé à New York. en tant que membre du groupe, eh bien, Laura a fortement contribué à écrire pas mal de chansons, de paroles pour eh bien, les enregistrements et les performances en public de ce groupe depuis une bonne dizaine d'années. Avec Remedium, eh bien, Laura Mead se lance en solo. Elle n'abandonne pas évidemment le groupe, mais elle a décidé d'enregistrer son propre album, qui n'est pas à proprement parler un album de rock progressif. Ça varie un peu dans les genres, il y a un peu de rock progressif, mais ce n'est pas l'essentiel de l'album. Elle nous raconte son histoire et notamment la bataille qu'elle a menée contre la maladie de la sclérose en plaques, puisqu'elle a été atteinte de cette maladie et elle en a bien évidemment et heureusement elle en est sortie vainqueur, voilà. Mais elle nous raconte donc sur cet album eh bien, que le voyage a été très difficile. Je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent sur elle en tant que telle sur Internet. Enfin, j'ai même contacté son agent ici en Europe pour avoir une bio. Bon, il était peut-être un peu tard, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations. Donc, j'ai pas grand-chose à vous raconter sur elle. J'en ai un tout petit peu, mais donc c'est pas plus mal, puisque les semaines précédentes, je me disais toujours que je parlais de trop. Donc, place à la musique. On va découvrir un premier extrait de cet album Remedium de Laura Mead. Et cet extrait s'intitule Your Way, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. It's your way or it's no way, and there's no way you'll compromise. No one can ever win with you, so no one even tries. If only they could see the world like you. If only they could see the world like you. Close your eyes. Everything disappears. No surprise. You'll hear what you wanna hear. It's okay, but I shouldn't say those things that yeah. C'est un peu le style que vous pourrez retrouver ce soir si eh bien, vous sortez en discothèque ou ailleurs. C'était donc à l'instant le groupe Dissonance avec un morceau intitulé Unhole. Ça sonnait fort musique du samedi soir, pourtant Dissonance c'est pas vraiment un groupe dans ce style là, mais comme vous voyez eh bien, les artistes aiment parfois à s'essayer à des genres un peu différents. Allez, on poursuit avec une collaboration internationale entre deux artistes, la Serbe Dani Jelajovic alias Sergei 77 et John Campopoulos qui a raccourci son nom pour le rendre un peu plus facile à lire en John Camp. Il est grec, lui, donc une grecque et un grec et une serbe, voilà. Et on les écoute avec un morceau intitulé « Carpe Diem » et puis après « Retour sur les dance floors » avec Eva, Friends of Barry. Et « Stop Looking Back ». Darkness was feeling my soul. Darkness was all I could see. To analyze too much deception. Can't make a woman unable to see. I couldn't even remember what I was looking for. Maybe I was too blind and too deaf. I didn't understand who I was. But now, stop looking back. Everything has turned to light. No more by yourself, don't look back. There's a time for everyone to fly. I was thinking I could not realize I was wasting all my time. Now I know I will no longer believe in the lies my mind tells me. I couldn't even remember what I was looking for. Maybe I was too blind and too deaf. I didn't understand who I was. Looking back, everything has turned to light. No more by yourself, don't look back. There's a time for everyone to fly. But now, stop looking back. Everything has turned to light. No more by yourself, don't look back. There's a time for everyone to fly. The sun is rising in front of you. Its light belongs to everything. It also belongs to you. Voilà, elle l'annonçait encore mieux que moi. Stop Looking Back, c'était Eva de l'écurie des Friends of Barry. D'ici quelques minutes, retour sur l'album de Laura Mee, de notre album Powerplay ce soir dans Planet Indie. Et j'en profite pour vous signaler, parce que c'est vrai que je ne le dis pas assez souvent, mais tous les enregistrements de ces émissions Planet Indie, eh bien, ils sont disponibles en réécoute gratuite, bien évidemment, sur notre site internet www.ilovemusic.ga, et puis aussi sur notre groupe Facebook. Vous tapez Planet Indie, eh bien, dans Facebook, et puis vous allez tomber directement sur nous. Il n'y a pas de souci, et n'hésitez pas à nous faire part, eh bien, de vos commentaires sur la programmation ou de vos découvertes aussi d'artistes. On sera, eh bien, très heureux de les découvrir, voire même de les faire découvrir aussi à d'autres ultérieurement. Allez, donc retour à la musique avant de retourner sur l'album de Laura Mead. On écoute Christina Plays Viola, Witch of Stone. Thank you. Alors je vais apporter un petit correctif à ce que je vous ai annoncé concernant ce morceau. L'artiste, c'est bien Christina Plays Viola. Ça, c'était juste. Je vous ai dit que c'était le titre, c'était Witch of Stone. J'ai du mal à me relire moi-même, ça devient grave. Il est temps que je prenne quelques jours de congé. C'est pas Witch of Stone, c'est Witch of Silence. Voilà, comme ça je suis correct avec eux. 17h48 minutes, retour sur notre album Powerplay. Aujourd'hui, c'est donc l'album Remedium de Loramid. Je vais essayer de vous mettre une vidéo sur notre groupe Facebook, comme je le fais d'habitude. Et puis, je vous disais donc tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations qui circulaient sur elle. C'est vrai que j'ai eu du mal de trouver quoi que ce soit. Donc, il faut meubler un petit peu. Alors, je vais vous raconter que Loramid, eh bien, elle joue du piano. Et puis sur cet album Remedium, son premier album solo, elle est accompagnée par son mari qui est aussi un des membres du groupe de rock progressif new-yorkais Ease. Son mari qui s'appelle John Galgano. Et puis elle a pratiquement réquisitionné aussi tout le groupe, puisqu'il y a d'autres membres comme Paul Bremer, Greg DiMicheli ou Brian Corallian qui font aussi partie du groupe, qui jouent sur son morceau. Des artistes externes, elle en a pris aussi, à savoir Randy McStein, il joue avec le groupe de Fringe, les groupes de Fringe et Lo-Fi Resistance, ou encore Jason Hart, qu'on connaît aussi par les groupes Renaissance, Camel ou I & Do. Son passé musical, eh bien, elle a beaucoup chanté et travaillé dans le cadre de comédies musicales. Et puis elle a aussi tourné lors de tournée avec d'autres artistes, voilà, j'en perds mes mots, dans d'autres concerts et des tournées dans d'autres horizons. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On va écouter un deuxième extrait qui s'intitule What I See From Here. C'est un morceau, eh bien, qui nous permet de découvrir sa capacité vocale et sa versatilité, et puisqu'elle va changer un peu sa voix. Et cette chanson nous parle évidemment de la frustration et de la souffrance que sa maladie de la sclérose en plaques, eh bien, lui a fait subir. Dans les paroles, eh bien, elle dit que « Wishing this were different doesn't make it so », c'est pas simplement vouloir que les choses soient différentes, qu'il les rendent directement différentes. Et puis vous allez découvrir aussi l'un des meilleurs solos de guitare électrique de l'album au cours de ce morceau. Voilà, le morceau s'appelle What I See From Here, et c'est extrait de cet album Remedium de Loramid, qui est notre power play aujourd'hui dans Planet Indie. Power play. Power play. Make no mistake about this, I'm doing the best that I can. I wasn't quite ready for this, I'm doing the best that I can. What I see from here, this dizzying height, mistakes made so long ago, and wishing this were different doesn't make it so. Pick up the pieces, the damage is done. How much more can you take? Fool to think that the worst has come. Till you break. What I see from here, this dizzying height, the answer so small down below, and wishing this were different doesn't make it so. Please make all your stars. this dizzying height. Mistakes made so long ago. And wishing this were different doesn't make it. Wishing this were different doesn't make it. Wishing this were different doesn't make it so. Voilà, je ne sais pas si cet endroit de Clerkenwell existe vraiment. Je vais peut-être me renseigner, tiens. C'était le thème de ce morceau du groupe suédois les Plasting Pals. Donc on les écoutait avec Clerkenwell. Voilà, que vous dire de plus? Eh bien qu'on continue en musique. Je suis un peu perdu parce que j'ai du mal à relire mes propres notes, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est un peu grave. On va poursuivre avec une autre voix féminine, une autre nouveauté dans cette émission. Elle s'appelle Jennifer Maidman. Ce sera après Kate Campbell tout de suite avec When You Come Back Home. Et puis donc on écoutera Jennifer Maidman avec un extrait de son nouvel album aussi, Red Heart. To Planete Indie. Hi, we're Lily Sparks. Hi, my name is Audra. And I'm Pat. We're Chaser 8, and you're listening to Planet Indie. The safety zone, the easy way. I offer danger, not devotion. Red heart, I've got a red heart. Do you wanna feel the heat inside of this red heart? Red heart, I've got a red heart. With of this red heart. I got a red, red heart. Well, when I wanna run away and turn this flesh back into clay, the dance will save my soul from an early grave. Now I'm melting with desire, so don't pour cold water on this fire, 'cause I need to feel the power of the wave. Red heart, I've got a red heart. Well, do you wanna feel the heat inside of this red heart? Red heart, I've got a red heart. Well, do you wanna feel the beat inside of this red heart? Well, I'm full of love and I'm full of pain. The passion scalds like a burning rain. Full of fire, full of ice. I lock up tight like a metal vice. Full of hope and full of fears that drown my life in a sea of tears. Full of me, I'm full of you. I wanna touch your red heart too. Red Heart, extrait du nouvel album de Jennifer Maidman, un album qui s'intitule Maidman. Et avant cela, on écoutait Kate Campbell, When You Come Back Home. Alors, petite précision concernant Clark Unwell, qui était le titre du morceau des Plastic Pals, groupe suédois donc. Eh bien, Clark Unwell, ça se trouve à Londres. Voilà, c'est pas un coin paumé, ça se trouve vraiment en plein milieu de Londres. C'est un quartier de la région, enfin de la ville d'Islington à Londres. Si vous devez y aller, eh bien, y a pas mal de choses à voir. Big Ben, le British Museum ou encore la cathédrale de Saint-Paul. Eh bien, tout cela, c'est à Clerkenwell. Voilà, j'ai déjà été à Londres, mais je ne savais pas que eh bien, le quartier s'appelait ainsi. Poursuivons en musique, si vous le voulez bien, avec un morceau un peu bluesy. Le groupe s'appelle The Circus in Flames. Et le morceau s'intitule Fall into the Line. Et après cela, retour chez... les façons de parler, Laura Mead avec son album Remedium, mais ça c'est pour dans quelques minutes. Years in a tin can factory, you won't see those numbers again. But now that courage is called on to not play the game, and for the questions of whether you're sane. If you catch me passing before you, toiling with the beast well adorned, and the light should change from red to green, could you at least try to lay off the horn? Fall into line, fall into line, fall into line, fall into line, fall into line. I was a union man at 15, just like my uncles and dad. And for all its faults and failures, still the best thing the working stiff has. No secret, their strength in numbers, but sometimes that's bad or it's good. But the choice is never simple, whether you shouldn't or should fall into line, fall into line, fall into line, fall into line, fall into line. Support for the boys. Well, others say asking is caring. Well, we ought to make the right choice. Men in deep pockets take positions of war or peace. But when the squeaky wheel gets oiled first, remember Greece. Fall into line, fall into line, fall into line, fall into line, fall into line, fall into line. Fall into line. on y prend goût hein, à ce morceau. Moi, en tout cas, j'ai accroché. Je vous rappelle leur nom. Le groupe s'appelle The Circus in Flames. Le morceau, c'était Fall Into Line. Et c'est extrait d'un album intitulé, quant à lui, Outside America. Retour sur notre album Power Play. Bah oui, il est grand temps, 18h13. Alors, troisième extrait qu'on va écouter aujourd'hui. L'extrait s'intitule Dragons. C'est l'un des deux vrais morceaux vraiment qu'on peut qualifier de rock progressif sur cet album, avec la plage d'ouverture qui s'appelle Sunflowers at Tchernobyl. On n'allait pas jouer les deux hein, parce que rien que ces deux-là, ça nous embarque pour pratiquement une demi-heure. Par contre, je vous ai mis la vidéo de ce morceau. Sunflowers at Tchernobyl, donc les tournesols qui repoussent à Tchernobyl, un morceau qu'on l'a déjà écouté d'ailleurs le mois dernier, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi. Ce second morceau vraiment progressif, donc il s'intitule quant à lui Dragons, il est plein de musique originale et dynamique, ça commence en douceur avec des paroles toutes douces. Don't listen to the voices that speak at 3 a.m. No good can come from them today. Donc ne fais pas attention aux voix que tu entends dans ta tête à 3h du matin, aucun bien ne va en sortir. Les guitares sont douces ainsi que le piano. Et puis après, eh bien, ça commence à s'emballer, la guitare, le piano nous emmène tout doucement au corridor qui va être bientôt rempli de son et d'énergie. Je vais me taire et laisser la musique parler. Je vous rappelle simplement son nom, Laura Mead. Son site internet, c'est www.lauramead.music.com. Donc Mead, c'est écrit M-E-A-D-E. Puis si vous vous connectez sur notre page Facebook, eh bien, vous retomberez directement dessus grâce au clip que j'ai mis dedans. Et puis sur notre site internet à nous, c'est www.ilovemusic.ga. Bon, le morceau, on va pas l'écouter en entier hein, parce qu'il fait il fait aussi pratiquement un quart d'heure. Power play. Power play. And there's no way you'll compromise. No one can ever win with you, so no tries. If only they could see the world like you. If only they could see. Alors, petite erreur de programmation. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pas Dragons qu'on entend, c'est un autre morceau. Alors on va revenir en arrière et on va se lancer Dragons, comme ça on est tout à fait correct. Désolé. Listen to the voices that speak at 3 a.m. No good can come from them today. Don't listen to the voices that speak at 3 a.m. They're gonna lie to you. Time to slay the dragons in your head. It's time to slay the dragons in your head. Move softly through the shadows before this falls apart. This time tomorrow you'll be free. Take only what you need now, the rest will weigh you down. By this time tomorrow you'll have me. Time to slay the dragons in your head. It's time to slay the dragons in your head. We'll be right back. Je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit, on pourra pas l'écouter en entier. Il fait presque 12 minutes ce morceau Dragons, extrait de l'album Remedium de Laura Mead. Donc allez voir déjà le clip sur notre page Facebook et puis acheter l'album, hein, pourquoi pas. On va se le mettre en fond musical pour passer en revue eh bien, la programmation de la Rockale. Alors demain, vous avez le Musical Box, c'est par le groupe de reprise de Genesis Extravaganza. Non, c'est pardon. C'est, le groupe s'appelle The Musical Box et ils font leur Extravaganza Tour. Ils reprennent eh bien, les vieux morceaux de l'époque de Genesis, quand c'était Peter Gabriel eh bien, qui était le chanteur. Le 5 décembre, Ukwataka, c'est un groupe qui a pour objectif eh bien, de démontrer que chaque genre de musique peut être joué à l'aide de l'instrument ukulélé. Le 6 décembre, Saint-Nicolas, eh bien, pour vous, ce sera peut-être la Saint-Nicolas avec Nile Rodgers et le groupe Chic. Le 7, Alan Walker. Le 8, Prodigy qui revient pour la... c'est pas la quantième fois, c'est eux qui avaient fait d'ailleurs le concert d'inauguration. Le 9, Loud. Le 11, c'est le Grand Club Songwriters Show. C'est un collectif fondé en 1914, un collectif d'auteurs, compositeurs, de chanteurs et de musiciens qui a pour mission eh bien, de créer un répertoire de morceaux made in Luxembourg et de les faire vivre à travers les voix et les performances d'artistes locaux issus de tous les genres. Ça, je vous rappelle, ce sera donc le 11 décembre. Si vous vouliez aller voir Santiano le 13, eh bien, c'est annulé. Le 14, sera Miss Lauryn Hill. Le 15, Clara Luciani, ça se passera au Rotonde. Et puis c'est à peu près tout avant la rentrée en janvier. Et puis notez aussi cette date, on a encore le temps, mais bon, le 26 mai, c'est Steve Hackett qui vient jouer au club de la Rockale. Il va revisiter de vieux morceaux, de vieux albums de Genesis, et notamment le Selling England by the Pound. On poursuit en musique avec Bobo Burns et Summer Wines. Where my baby waits for me. Down by the Shawnee River. Voilà, c'est donc Bobo Burns, peut-être un potentiel power play, petit indice, on ne sait jamais. Avec Summer Wine, Balsamer, on n'y est pas encore tout de suite. Hein. 18h26, et eh bien cette émission touche tout doucement à sa fin. J'avais encore 3 morceaux à vous proposer, et eh bien on pourra en écouter qu'un seul. Ce sera Andrea Van Cleef avec I Passed Away. En ce qui vous concerne, prenez votre temps. Hein. J'en profite aussi pour vous dire que cette émission sera rediffusée demain, 2 décembre, entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence, les fréquences de RGL, que ce soit sur internet, par les ondes radio classiques, sur le câble télédistribution, aussi en Belgique d'ailleurs, sur Belgacom et vous. Et puis le podcast sera disponible sur notre site internet à nous de Planet Indie, www.ilovemusic.ga, ainsi que tous les anciens Powerplay, podcast, et puis aussi dans notre groupe internet, n'hésitez pas, notre groupe Facebook, n'hésitez pas à nous y rejoindre, vous avez tous les liens sur notre site, et puis vous tapez aussi Planet Indie dans Facebook, et puis vous allez nous retrouver sans problème. C'était la dernière émission pour cette année 2018, on se retrouve le 5 janvier pour l'épisode numéro 403. Je vous souhaite de bonnes fins d'année, de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et rendez-vous donc le 5 janvier pour une nouvelle émission en direct de Planet Indie. On se quitte avec Andrea Van Cleef, I Passed Away. When you turn your face, I pass away. I pass away. I pass away. When you turn your face, when you turn your face again. The way.